Lecture d'enfance. C'était en 1988. La réalisatrice Marguerite Gatteau allait à la rencontre d'un acteur ou d'une actrice et l'interrogeait sur son premier souvenir de lecture. Toute une bibliothèque de l'enfance se dessine, transmise de génération en génération. Première lecture, lecture d'enfance. Aujourd'hui, Jean-Marc Thibault lit « Les aventures de Tom Sawyer » de Mark Twain. Jean-Marc Thibault, vous avez choisi de lire « Tom Sawyer » de Mark Twain. C'est un livre qu'on vous avait offert ou c'est un livre qui était chez vos parents ? Non, c'est un livre que j'ai reçu en prix à l'école. À l'école communale de la rue des Messiers à Montreuil. Et c'est un livre qui m'a passionné, qui m'a éberlué parce que j'ai eu un contact avec un monde que j'ignorais totalement. L'Amérique. J'avais aucune idée de ce qu'était l'Amérique. J'avais déjà été un peu au cinéma, j'avais vu des photos dans les journaux. Pour moi, l'Amérique, c'était New York, c'était des gratte-ciels. J'imaginais pas une Amérique paysanne. C'est une idée qui m'était pas venue du tout. C'était ou le western, et j'imaginais pas des gens vivant comme des paysans avec des poules, des moutons, des chèvres, etc. Et ça m'a beaucoup impressionné. Quelles ont été vos impressions lorsque vous l'avez relu ? Ça fait longtemps, je pense que vous l'aviez pas lu. Oh, je ne l'avais pas lu, oui. Peut-être 40 ans. En plus que ça, 50 ans. Je pense que quand je l'ai lu, petit garçon, il y a des tas de choses que je n'y ai pas vues. J'ai pas vu l'humour, par exemple. Sûrement l'humour de Mark Twain, qui est très incisif et en même temps très, très léger et par touche. Et j'ai sûrement pas vu l'humour. Et ça a été, en plus, pour moi, si vous voulez, ça a le charme de la nostalgie, quoi, parce que dans ce livre, on se retrouve tous plus ou moins comme on a été, on retrouve des merveilleux souvenirs d'enfance. Il y a dans un passage la rencontre avec une petite fille, la première fois que Tom découvre l'amour, le plaisir de partager un bout de chocolat avec quelqu'un. C'est très, très beau, très, très touchant, très, très charmant. Mais évidemment, quand on est enfant, on ne le lit pas de la même manière. Quand j'étais enfant, j'ai ri des blagues. J'ai ri des blagues qu'il faisait, des farces qu'il faisait à sa tante Polly. J'ai ri des plaisanteries qu'il faisait à ses petits copains. Mais je n'ai pas ressenti, évidemment, tout le charme que j'ai ressenti en le lisant après. Tom ? Pas de réponse. Tom ! Où est-il encore passé ? Voyons, Tom ! Pas de réponse. La vieille dame abaissa ses lunettes et regardant par-dessus, elle inspecta la pièce. Si jamais je te mets la main dessus, je... Sa phrase resta inachevée. Tout en parlant, elle s'était penchée en avant et envoyait de grands coups de balai sous le lit. Entre deux séries de coups, il lui fallait reprendre haleine. Tout cela pour ne déranger que le chat. Je n'ai jamais vu un galopin pareil. Elle se dirigea vers la porte ouverte. Élevant la voix de façon à se faire entendre à distance, elle héla. Oh, oh, Tom ! Tout près d'elle, elle perçut un léger bruit. Elle se retourna juste à temps pour attraper par les basques de sa veste un jeune garnement qu'elle arrêta dans sa fuite. Évidemment. J'aurais dû penser à ce placard. Qu'est-ce que tu as encore été faire là-dedans ? Rien, tante. Rien ? Regarde tes mains, regarde ta bouche. Avec quoi t'es-tu barbouillé comme ça ? Je ne sais pas, tante. Moi, je le sais. Je vais te le dire. C'est avec de la confiture. Voilà 36 fois que je te dis que si tu touches à la confiture, tu auras affaire à moi. Passe-moi cette baguette. Aux mains de la tante, la baguette décrivit dans l'air des cercles menaçants. La situation devenait intenable. « Oh, ma tante, regardez, regardez derrière vous !» La vieille dame fit brusquement volte-face. En un geste instinctif de protection, elle serra ses jupes. Mettant à profit cette diversion, le gamin s'échappa, escalada la haute clôture en planche et disparut de l'autre côté. La tante Polly resta un moment tout interloquée, puis elle prit le parti de rire de l'incident. Diable de gosse. Et toujours je m'y laisse prendre. Comme s'il ne m'avait pas joué assez de tours pour que je m'attende à toute sa part. Mais les vieux fous sont les plus fous. Vieux chien n'apprend plus rien, comme on dit. Il ne joue jamais le même tour deux fois de suite. Avec lui, on ne sait jamais ce qui va arriver. On dirait qu'il sait jusqu'où il peut aller sans que je me mette en colère. Et que s'il détourne mon attention, s'il me fait rire, c'est fini. Je suis désarmé. Dieu me pardonne, je ne remplis pas mon devoir vis-à-vis de cet enfant. Qui aime bien, châtie bien, la Bible a raison. J'ai tort d'être indulgente, ça ne lui rend pas service, bien sûr. Mais après tout, il n'en est pas moins le fils de ma chère sœur qui n'est plus la pauvre. Et je n'ai pas le courage de le corriger. Quand je lui pardonne, ma conscience me fait des reproches. Et quand je le punis, c'est mon cœur qui n'est pas content. L'homme né de la femme ne vivra pas longtemps, et il aura beaucoup d'ennuis. C'est l'Écriture qui le dit, et il faut croire que c'est vrai. Il fera sûrement l'école buissonnière cet après-midi, et il faudra pour le punir que je le fasse travailler demain. C'est dur de le faire travailler le samedi quand tous ses camarades sont en congé. Mais ce qu'il déteste par-dessus tout, c'est le travail. Et il faut que j'accomplisse mon devoir vis-à-vis de lui. Sinon, c'est un très mauvais service que je lui rends. Il y a une chose aussi qui m'avait absolument ahuri quand j'étais petit garçon, c'est que c'était à peu près, vous voyez, dans les années 30, c'est-à-dire l'époque de l'exposition coloniale à Paris, c'était les rapports avec les Noirs. En France, on avait un rapport avec les Noirs complètement paternaliste, c'est-à-dire que on n'était pas vraiment raciste, mais on l'était quand même, mais on n'était pas vraiment raciste, mais on les considérait un peu comme des jouets, les Noirs. C'était le Yabon Banania, on pouvait pas imaginer qu'un jour il y aurait un Noir qui serait recteur d'une faculté. À cette époque-là, on voyait les Noirs en pagne, complètement illettrés, et on les imaginait comme des esclaves souriants et heureux. On avait une idée un peu bizarre des choses. Et là, ces gens qui vivaient ensemble complètement, bien qu'esclaves et maîtres, mais ils vivaient complètement ensemble, et les Noirs, les petits Noirs étaient habillés comme les petits Blancs. Ça m'a paru quelque chose d'invraisemblable. J'imaginais pas qu'il puisse y avoir des Noirs en Amérique. Pour moi, les Noirs, c'était l'Afrique. C'était des petits enfants tout nus, et puis des parents en pagne, avec de temps en temps un missionnaire à côté. J'imaginais pas du tout mêlé à la vie commune d'un pays. Et il y a un personnage que j'aimais beaucoup dans Tom Sawyer, c'est la tante Polly, parce que la tante Polly est extrêmement indulgente, finalement, très tendre, et elle aime beaucoup le petit Tom, et puis elle souffre beaucoup quand on lui donne une fessée, alors que j'ai lu par la suite la comtesse de Ségur, que j'ai détestée, que j'ai trouvé quelqu'un d'abominable. Enfin, on devrait arracher ses livres des mains des enfants, c'est une horreur. D'abord, à mon avis, les psychosexologues devraient s'intéresser terriblement au cas de la comtesse, qui devait être quelqu'un de complètement malade, car ce goût de flageller les enfants est absolument monstrueux. Et en croyant que c'est à bon escient, enfin, c'est absolument abominable, la comtesse de Ségur. Je l'ai détestée étant petit, mais maintenant, si je le relisais, je crois que si on doit faire un jour un auto-da-fé, c'est avec la comtesse de Ségur. Nous voici au samedi matin. Le soleil d'été darde ses rayons sur le monde qui déborde de vie. Les caroubiers resplendissent. L'atmosphère est lourde du parfum des fleurs. Au-delà et au-dessus du village, Cardiff Hill apparaît. La colline est toute verte de végétation et s'offre aux yeux comme un pays de cocagne, un pays de rêve et de repos. Sur un trottoir, on voit apparaître Tom. Il porte un seau de lait de chaux et un pinceau à long manche. Il inspecte la clôture, dont les dimensions effrayantes le rendent sombre et mélancolique. 30 mètres de long, 9 pieds de haut. L'existence lui paraît un fardeau sans intérêt. Avec un soupir, il trempe son pinceau dans le lait de chaux et embarbouille la planche supérieure de la palissade. Il répète l'opération, recommence une troisième fois. Puis il compare la minuscule surface blanche à l'immensité de celle qui reste à blanchir. Et découragé, s'assied sur une caisse. Jim le négrillon franchit la grille du jardin. Il a un seau à la main. Il s'avance en sautillant et en fredonnant. Les figues de Buffalo. Aller chercher de l'eau à la pompe du village, c'était une chose que Tom avait toujours détestée. Aujourd'hui, ça lui faisait un tout autre effet. À la pompe, il y a toujours beaucoup de monde, des jeunes gens et des jeunes filles, dont la peau présente toutes les variétés de nuances, du blanc au noir, y attendent leur tour. On s'y repose, on y joue, on y échange des jouets, on s'y bouscule, on s'y dispute. Tom se rappelle, chose curieuse, que bien que la pompe ne soit qu'à 150 mètres de distance, il arrivait souvent à Jim de ne revenir avec son seau qu'au bout d'une heure. Et encore, fallait-il aller chercher. « Dis donc, Jim, » dit Tom, « si tu badigeonnais un peu, j'irais puiser de l'eau pendant ce temps-là. » Jim secoua la tête. « Oh, je n'ose pas, monsieur Tom. Maîtresse m'arracherait la tête. » « Elle ? Elle ne tape jamais pour de bon, elle donne des coups de dé sur la tête. Ça ne fait peur à personne. Elle crie fort, mais ça ne fait pas de mal. Tant qu'elle ne pleure pas, ça va bien. Jim, je te donnerai quelque chose d'épatant. Une bille. » Jim hésita. « Une bille blanche, Jim. Une énorme bille. Je ne dis pas non, monsieur Tom, mais j'ai peur de maîtresse. Et de plus, si tu acceptes, je te montrerai mon doigt de pied qui est écorché. » Jim n'avait rien d'un héros. La promesse d'une telle attraction l'emporta. Il déposa son seau, prit la bille et, passionnément intéressé, se pencha vers Tom pour le voir dérouler son pansement. Un instant plus tard, Jim dévalait la rue, d'une main tenant son seau, de l'autre comprimant son postérieur endolori, tandis que Tom badigeonnait avec énergie. Triomphante, une pantoufle à la main, la tante Polly quittait le champ de bataille. Mais l'ardeur de Tom ne fut pas de longue durée. Il pensa à tout ce qu'il avait projeté de faire en ce malheureux après-midi. Son chagrin redoubla. Bientôt ses camarades, libres, partiraient faire de merveilleuses promenades, et il se paierait la tête du pauvre Tom qui, lui, devait rester là à travailler. Rien que de penser à cela, il se sentait devenir enragé. Il sortit tout ce qu'il avait dans ses poches et il en fit l'inventaire. Des débris de jouets, des billes et quelques autres bricoles. Assez peut-être pour marchander l'échange d'un travail contre un autre. Même pas la moitié de ce qu'il fallait pour acheter une demi-heure de liberté. À nouveau, le désespoir allait l'envahir, quand tout à coup, il eut une inspiration. Une idée lumineuse. Un trait de génie. Il reprit son pinceau et se remit au travail. Justement, Ben Rogers débouchait, là-bas, au coin de la rue. Entre tous ses camarades, c'était celui dont il redoutait le plus les railleries. À l'allure de Ben, on devinait tout le plaisir qu'il se promettait de sa journée. Tout en grignotant une pomme, il fredonnait une sorte de murmure plus ou moins mélodieux, entrecoupé de bruits de cloches émis d'une voix grave. Ben jouait le rôle d'un bateau à vapeur rentrant au port. Comme il approchait, il ralentit l'allure, suivit le milieu de la chaussée comme un chenal, pencha vers tribord, vira pesamment, avec force détail de circonstances, car il personnifiait le grand Missouri, et n'oubliez pas qu'il avait 9 pieds de tirant d'eau. Il était à la fois le navire, le capitaine et l'appareil de signalisation aux machines. Tantôt sur sa passerelle, le capitaine donnait des ordres. Tantôt, l'équipage les exécutait. Stop ! Dreling ding ding ! Le navire courait sur son erre et se rangeait lentement le long du quai, c'est-à-dire, en l'espèce, du trottoir. Drolling, drolling, ding, ding, le tout accompagné de gestes appropriés. Machine arrière à bâbord, drolling, ding, ding. De la main droite, il décrivait de grands cercles, car il s'agissait d'une roue de 25 pieds de diamètre. Machine arrière à bâbord, drolling, ding, ding. À son tour, la main gauche décrivait des cercles. Tribord, stop, drolling, ding, ding. Bâbord, stop. En avant, tribord. Tribord, stop. Laisse arriver. Draling, ding, ding. Jette la mare. Dépêchons-nous un peu. Accoste le quai. Lâche la vapeur. Draling, ding, ding. Sans se soucier le moins du monde des évolutions du pseudo-steamer, Tom continuait à badigeonner. Ben le regarda un instant. Hé, dis donc, te voilà à marée aussi, toi ? Pas de réponse. D'un œil d'artiste, Tom examine l'effet de son dernier coup de pinceau. Autre coup de pinceau suivi du même examen. Ben s'approche de lui. À le voir grignoter sa pomme, Tom sent l'eau lui venir à la bouche. Mais, imperturbable, il continue. « Dis donc, vieux, tu travailles ?» Tom se retourne brusquement. « Hein ? C'est toi, Ben ? Je ne t'avais pas vu. »« Oui, nous allons nous baigner. Tu ne viens pas ? Ah non, tu aimes mieux travailler, je vois ça. » Tom dévisage l'autre un instant et dit « Qu'est-ce que tu appelles travailler ?» Et ça n'est pas du travail, ça ? Tom donne un coup de pinceau et négligemment répond « Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Tel que c'est, ça me va. » « Tu ne vas pas me faire croire que tu aimes ça ?» Nouveau coup de pinceau. « Que j'aime ça ? Pourquoi pas ? On n'a pas tous les jours la chance de badigeonner une clôture ?» La question se présentait sous un nouvel aspect. Ben cessa de mordiller sa pomme. Tom promenait son pinceau de gauche à droite et de droite à gauche, se reculait pour juger de l'effet, ajoutait une touche ici ou là, se reculait à nouveau. Ben suit des yeux chacun de ses mouvements. Il s'intéresse. Il se passionne. Il finit par dire « Dis donc, Tom, laisse-moi badigeonner un peu moi aussi. » Tom hésite. Il est sur le point de consentir, mais au dernier moment, il se reprend. « Non, je ne peux pas faire ça, Ben. Vois-tu, tante Polly a des idées très arrêtées à propos de cette clôture, surtout de ce côté-ci, sur la rue. Si c'était du côté jardin, je ne dirais pas non, et ça lui serait égal à elle aussi, mais elle est très exigeante, il faut que ce soit bien fait. Il n'y en a peut-être pas un d'entre nous sur 1000, un sur 2000, qui ferait ça comme il faut. » « Allons, allons, laisse-moi essayer. Rien qu'un tout petit peu. Si j'étais à ta place, je te laisserais faire, Tom. » « Ben, moi je voudrais bien, foi d'Indien, mais tante Polly... » Enfin, voilà. Jim a demandé à le faire, elle n'a pas voulu. Sid a demandé à le faire, elle n'a pas voulu. Tu vois où j'en suis ? Si tu te mets à badigeonner la clôture, suppose qu'il arrive quelque chose. J'ai dans de jolis draps. « Oh, sois tranquille, je saurais m'y prendre. Laisse-moi essayer. » « Tiens, je te donnerai la moitié de ma pomme. » « Eh bien, voilà. » « Après tout, non, Ben. J'ai peur que... Je te donnerai tout ce qui reste de ma pomme. » Tom abandonna son pinceau comme à contre-cœur. Il était ravi du succès de sa manœuvre. Et tandis que l'ex-grand Missouri peinait et transpirait au soleil, l'artiste en retraite, assis à l'ombre sur un tonneau, les jambes ballantes, grignotait sa pomme tout en méditant le massacre d'autres innocents. Les victimes ne manquaient pas. Tour à tour, elles se présentaient, d'abord dans l'intention de se divertir, puis elles restaient pour badigeonner. Avant que Ben en eût assez, Tom avait négocié sa succession en faveur de Billy Fisher, moyennant un cerf-volant en bon état de réparation. Après Billy Fisher, Johnny Miller se fit adjuger la place moyennant un rat mort et la ficelle qui servait à le traîner. Et ainsi de suite, les uns après les autres. Au milieu de l'après-midi, Tom, qui le matin était pauvre comme Job, regorgeait de richesses. Si sa provision de lait de chaux n'avait pas été épuisée, il aurait mis en faillite tous les gamins du village. Tom se dit en lui-même qu'après tout, l'existence était fort supportable. Sans s'en douter, il avait découvert une grande loi sociale. À savoir que pour amener un homme ou un enfant à désirer une chose, il n'y a qu'à lui rendre cette chose difficile à atteindre. Si Tom avait été un grand, un profond philosophe, comme l'auteur de ce livre, il aurait compris que le travail consiste en une tâche que l'on est obligé d'accomplir, alors que le plaisir consiste en une occupation à laquelle on n'est pas obligé de se livrer. Et ceci l'aurait aidé à comprendre pourquoi la fabrication de fleurs artificielles, par exemple, est un travail, alors que l'ascension du Mont Blanc est un plaisir. Il y a une chose qui vous plaisait ou qui vous, en tout cas, vous frappait quand vous étiez petit dans Tom Sawyer, c'était le traitement des animaux, enfin les animaux morts, les chats crevés. Les oui, moi j'ai été élevé en ville, en banlieue plus exactement. J'ai aucun contact avec la nature et les animaux, je les adorais et je trouvais que ces petits enfants avaient des goûts morbides de traîner avec eux des chats crevés et des rats morts et de poser des pièges, d'attraper les oiseaux, tout ça, ça me gênait profondément. Ça me faisait souffrir, c'est vrai. En fait, Tom Sawyer, c'était pas un livre qui vous faisait rire, c'était un livre qui vous faisait souffrir. C'est un livre qui ne m'a pas fait rire du tout quand j'étais petit garçon, excepté par endroits quand il faisait des blagues. Certaines blagues m'ont amusé, mais le contexte général était plutôt dans la mélancolie. Quel rapport vous aviez à la lecture? Vous lisiez beaucoup, petit garçon? Oui, je lisais beaucoup, oui. Je lisais beaucoup, je lisais des livres et les journaux. Je lisais beaucoup les journaux de mes parents. Et quand il m'arrive de retrouver des journaux anciens de cette époque, j'ai une grande émotion parce que je me souviens les avoir lus et presque les savoir par cœur. Vos parents étaient des gens qui achetaient des livres? Oui, ils achetaient des livres, ils achetaient peu, mais enfin, ils avaient surtout... J'ai surtout lu plus tard, beaucoup plus tard, j'ai rencontré un homme assez prodigieux qui avait vraiment complètement autodidacte, parce qu'il n'avait pratiquement pas de culture, mais il dirigeait la bibliothèque municipale de Montreuil, et je suis allé beaucoup à cette bibliothèque municipale, et il m'a fait lire des tas de choses, et je crois qu'il m'a bien conseillé quand j'étais vraiment petit garçon, adolescent. J'ai beaucoup lu des auteurs comme Jules Romain, comme Romain Rolland, comme Henri Barbus, Claude Tillier. Maupassant, j'ai lu très jeune Maupassant. J'étais presque enfant quand j'ai lu les premiers Maupassant. Est-ce qu'il y avait un endroit dans lequel vous aimiez lire? Oh, vous savez, non, il n'y avait pas d'endroit spécial. Je vivais dans un tout petit appartement. Je lisais sur la table de la cuisine. On était nombreux dans quelques pièces. C'est pas d'endroit, pas de boudoir. Non, je lisais sur la table de la cuisine. Et alors, je ne sais pas si ça m'est resté, mais j'aime bien... j'aime pas lire au lit, par exemple. Je n'aime pas lire... dans un fauteuil. J'aime lire assis sur une chaise et sur un bureau ou sur une table en bois. C'est vrai, peut-être que ça m'est resté de cette époque-là. Peu après, Tom rencontra l'enfant terrible du village, Huckleberry Finn, dont le père était un ivrogne fieffé. Toutes les mères le détestaient et le redoutaient parce qu'il avait la réputation d'être paresseux, mal élevé et méchant, et qu'il donnait à leur fils le plus mauvais exemple. Il va sans dire qu'il était l'objet de l'admiration des enfants, qui se délectaient dans sa société et ne souhaitaient rien tant que de lui ressembler. Comme les autres, Tom, à qui sa tante défendait formellement de fréquenter Huckleberry, lui enviait sa condition de hors-la-loi notoire et ne manquait jamais une occasion de jouer avec lui. Toujours en haillons, Huckleberry s'habillait avec la défroque des grandes personnes. Il portait un énorme chapeau auquel manquait la moitié du bord, une veste qui lui tombait sur les talons, un pantalon dont le fond lui arrivait aux genoux et dont les jambes traînaient dans la poussière. Il allait et venait entièrement à sa guise. L'été, il dormait à la Belle Étoile, et l'hiver, il passait ses nuits dans un tonneau. Point n'était pour lui question d'école ni d'église, de maître ni de professeur. Il allait à la pêche quand il voulait, prenait un bain dans la rivière quand ça lui chantait, se couchait à l'heure qui lui plaisait, était toujours le premier à marcher pieds nus au printemps et le dernier à mettre les chaussures à l'approche de la froide saison, ne se lavait jamais, ne changeait jamais de linge et jurait comme un templier. En un mot, il jouissait de tout ce qui rend la vie digne d'être vécue. Telle était, dans Saint-Pétersbourg, l'opinion de tout enfant surveillé et tenu en laisse par ses parents. Tom, elle a le proscrit. « Hello, Huckleberry !»« Hello, qu'est-ce que vous dites de ça ? » ?»« Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Un chat crevé. »« Fais voir ! » !»« Oh, épatant ! Où l'as-tu ?» Par un échange. Contre quoi? Un bon point bleu et une vessie que j'ai eue à l'abattoir. Où as-tu eu le bon point bleu? Je l'ai échangé avec Ben Rogers, contre une canne, il y a 15 jours. Dis donc, à quoi est-ce que ça sert les chats crevés? À quoi ça sert? À guérir les verrues. Penses-tu? Je connais mieux que ça. Je parie que non, qu'est-ce que c'est? De l'eau de pluie. De l'eau de pluie. Ça ne doit pas valoir grand-chose. As-tu essayé? Non, mais Bob Tanner a essayé. Qui te l'a dit? Eh ben, il l'a dit à Jeff Thatcher, Jeff l'a dit à Johnny Baker, Johnny l'a dit à Jim Hollis, et Jim l'a dit à Ben Rogers, Ben l'a dit à un nègre, et le nègre me l'a dit. Alors? Qu'est-ce que ça prouve? Ils mentent tous. En tout cas, tous, sauf peut-être le nègre que je ne connais pas, mais j'ai jamais vu un nègre qui ne mente pas. Mon œil! Maintenant, dis-moi comment il a fait, Bob Tanner. Eh ben, il a trempé la main dans le creux d'un vieux tronc pourri où il y avait de l'eau de pluie. En plein jour, naturellement, en faisant face au tronc. Bah oui, du moins je le crois. Et les paroles? Est-ce qu'il disait quelque chose? Peut-être, ça je ne sais pas. Ah, comment peut-on s'imaginer guérir des verrues avec de l'eau de pluie en s'y prenant aussi bêtement? Mais ça ne peut pas réussir. Il faut aller tout seul, en pleine forêt, là où on a repéré un tronc où il y a de l'eau de pluie. Et à minuit tapant, on tourne le dos au tronc, on met la main dans l'eau de pluie et on dit « eau de pluie, avale mes verrues ». Après ça, on fait 11 pas les yeux fermés, on tourne 3 fois sur soi-même et on revient chez soi sans adresser la parole à personne. Parce que si on parle, c'est loupé. Mais, dis un peu, avec les chats crevés, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, tu prends ton chat et tu vas dans le cimetière à minuit. Il faut que dans la journée, quelqu'un de méchant ait été enterré. À minuit, un diable vient, peut-être 2 ou 3. Tu ne les vois pas. Quand ils se déplacent, c'est comme si on entendait souffler le vent. Ou quelquefois, tu les entends parler. Quand ils emportent le mort, tu lances le chat après eux et tu dis « Corps suis diable, chat suis corps, verru suis chat, je n'en ai plus ». Il n'y a pas de verru qui résiste à ça. Ça a l'air d'être un bon truc. Tu as essayé? Non, mais la mère Hopkins me l'a assuré. Alors ça doit être vrai parce qu'on dit qu'elle est un peu sorcière. Dis donc, qui? Quand est-ce que tu vas essayer ton chat? Ce soir. Sûr qu'ils viendront chercher le vieux Williams. Mais c'est samedi qu'on l'a enterré. Ils sont pas venus le chercher samedi soir? Dis pas de bêtises. Tu sais bien que les charmes n'opèrent pas avant minuit. Minuit samedi soir, c'était dimanche. Est-ce que tu te figures que les diables travaillent le dimanche par hasard? C'est vrai? J'avais pas pensé à ça. Dis donc, est-ce que je pourrais aller avec toi? Je veux bien si tu n'as pas peur. Peur, moi? Non, mais sans blague. Tu miauleras en passant devant la maison. Entendu. Est-ce qu'on vous racontait des histoires avant que vous ne sachiez lire? Oui, oui, mon père avait une certaine verve, il me racontait des histoires. Il me chantait des chansons aussi beaucoup, ou de l'opéra, ou alors des chansons de l'époque. C'est comme ça que je connais des centaines et des centaines de chansons de 1900. C'était quoi comme chanson? Oh, je ne sais pas, l'hirondelle du Faubourg, vous connaissez? Je ne sais pas, des tas de choses, ou alors il me chantait une chanson que je trouvais ravissante, qui était l'histoire du petit Poucet mise en chanson. J'ai jamais su par qui elle avait été écrite, qui avait écrit la musique et qui en avait écrit les paroles, mais je sais que c'était une des chansons, ça donnait ça. Le petit Poucet un jour au bois voulu faire un tour. Il écoutait les oiseaux chanter au bord du ruisseau. Il faisait avec les fleurs des bouquets de 3 couleurs. Mais le jour allant finir, Poucet voulut revenir. Alors de sa large main, l'ogre lui barre le chemin. Le petit Poucet lui dit, laisse-moi passer bandit, car je n'ai pas peur de toi, car tu ne peux rien sur moi. À l'école on nous apprend que l'ogre est un ignorant. Tes bottes je le sais bien, à présent ne valent rien. Tu n'as plus comme autrefois, on n'a plus comme autrefois peur de ton sabre de bois. Et l'ogre tout interdit laissa passer le petit. Le petit poussait sans peur, du gros ogre était vainqueur. Vous voyez, c'était la science qui qui gagne sur la force. C'était l'école laïque obligatoire. Vous avez une sacrée mémoire. Oui, il me chantait ça quand j'étais vraiment tout petit, petit. Première lecture, lecture d'enfance. Extrait des aventures de Tom Sawyer, de Mark Twain, par Jean-Marc Thibault. Gérard Servet, Jean-Michel Coqui, Sylvie Migaud, Marguerite Gâteau. Cette émission était remise en ondes par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions.